Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Comment le contact se fera-t-il? » Première question, c'est quoi? La première réponse, c'est quoi? C'est le contact avec l'esprit. Eh oui. Avec quoi on fait le contact? C'est moi qui pose la question. Oui, je t'ai demandé de te poser la question. Tu m'as donné la réponse. OK. Le contact se fera avec quoi? Avec l'esprit. Une autre question. Est-ce qu'il n'est pas déjà fait, le contact avec l'esprit? Pose pas ce genre de questions-là. Ah, OK. Ça mène nulle part. C'est sûr que le contact est fait, mais en même temps, le contact n'est pas fait, mais c'est évident qu'il est fait. Si le contact ne serait pas fait, on ne pourrait pas en parler. Mais le contact n'est pas suffisamment fait. Le contact est fait avec l'humain dans l'inconscience de l'humain, mais le contact n'est pas fait dans la conscience de l'humain. C'est pourquoi on dit le contact n'est pas fait, mais c'est évident que le contact est fait. Tu le fais quand, ton contact avec ton esprit? Est-il fait d'abord? Question idiote. Non, je connais rien de ça. OK. Tu le fais quand? Ou comment? Moi, je ne l'ai pas fait, mais quand ça s'est fait? OK. Hein? Bon. Alors, ça s'est fait il y a quelques années. Ça s'est fait... là, un peu moins de 2000 ans. C'est récent? Oui. Ah, c'est... Oui. J'en connais qu'ils l'ont eu un peu avant moi. Mais à peu près, oui. Maintenant, dans cette vie-ci... C'était l'autre question. Oui, c'est ça. Quand est-ce que ça s'est refait? Quand est-ce que je m'en suis rappelé? Parce que ça se fait, ça le défait. Non. Mais ce qui arrive, c'est que quand on se réincarne mélangé avec des mémoires de d'autres personnes qui, eux, n'ont pas eu de contact conscient avec l'esprit. Donc, de base, l'être humain est relié à des milliers ou sinon des milliards de faisceaux espritiques. Il est relié par la suite à des millions de faisceaux qui regroupent les faisceaux espritiques qui sont dans chacun des individus. Et plus on va s'éloigner du contexte planétaire, plus on se rend compte que les milliards de faisceaux se réunissent en millions de faisceaux qui finalement se fusionnent en milliers de faisceaux et qui se fusionnent en centaines de faisceaux, centaines de milliers, pour finalement se ramasser dans une 30-35 faisceaux qui vont se fusionner dans une douzaine de faisceaux, qui se fusionnent dans 3 faisceaux, qui se fusionnent plus puisqu'il n'est plus après. Bon. Donc, si on regarde, par exemple, chaque personne est frère et sœur en esprit, c'est vraiment faux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, on parle de coloration de faisceaux dans l'ésotérisme traditionnel, ça nous permet de mieux comprendre, mais ce n'est pas une couleur, c'est une ambiance. Alors, on va dire que quelqu'un est relié à un faisceau rouge. Un autre est relié au faisceau vert. Alors, tous ceux qui sont reliés au faisceau rouge sont frères et sœurs en esprit. Ceux qui sont reliés au faisceau vert sont frères et sœurs en esprit, entre eux, mais pas avec le ceux du faisceau rouge. Quand le Nazaréen est passé, l'alliance entre un faisceau christique, michaélien, et un corps physique, celui de Jésus, il a supporté le poids karmique, donc on dit le poids des péchés, de son monde, c'est-à-dire de tous ceux qui étaient reliés à son faisceau. Et cette humanité-là a cessé d'exister après la résorption du Nazaréen. Le faisceau le plus important suite au passage du Nazaréen est le faisceau Lazaréen. Le faisceau Lazaréen est un faisceau qui est en train de se résorber, donc dans les années à venir, la mécanique lazaréenne, donc le comte de Saint-Germain, qu'on appelle aussi en langage ésotérique dans l'actuel 20e siècle, Myriam, ce faisceau-là va se résorber totalement dans les années à venir. Et là, je ne parle pas de milliers d'années, je parle de dizaines d'années. Il va se résorber totalement, laissant le monde totalement démuni, en ce sens qu'il n'y aura plus de contrôleur, de gérant, de rectificateur, de mécanique qui va assujettir le mal et le bien dans une force ascensionnelle d'évolution. Présentement, le mal est régi par Lazare, et le bien est régi par Lazare. Dans un côté, à un moment donné, au niveau de l'humain, il a engendré le rosicrucianisme, c'est-à-dire les Rose-Croix, et de l'autre côté, il a engendré la franc-maçonnerie. L'un s'occupe, par exemple, de la Révolution française, de la Deuxième Guerre mondiale, de plusieurs choses que l'humain considère comme étant noires. Et l'autre s'occupe de remettre le bien quand le noir a fait son œuvre, et ce sera l'ordre rosicrucien, entre autres. Dans les années à venir, la franc-maçonnerie, l'ordre rosicrucien vont devenir des ordres du passé. Ils resteront sont des ordres traditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont toujours assujettis à un personnage qui a été mandaté, voilà quelques milliers d'années, à des actions planétaires. Alors, ce personnage, il est lui-même de l'esprit, donc il n'est plus relié à de l'esprit. Il a eu une fusion avec son dôme éthérique, donc finalement avec son esprit, par le fait qu'il est allé dans le monde de la mort. C'est Lazare, donc, à un moment donné, qui est pour le monde qui est mort, et qui pour le Nazaréen dormait simplement. Il a gagné le monde de la mort. Et on appelle cela une descente aux enfers, et je dis souvent aux séminaristes que la descente aux enfers, c'est lorsque l'on pénètre dans le ciel avec de la conscience. Et c'est là qu'on se rend compte comment est le ciel planétaire, donc le ciel tant inventé par les religions. Et là, on se rend compte que c'est une illusion, c'est un mensonge cosmique absolument total. Et pour l'être humain, qui ne serait pas prêt, ça serait une souffrance absolument atroce, indicible, qu'un initié ou un initiable très avancé sera capable de supporter parce qu'énergétiquement il est bâti pour, ou bien il est chapeauté par quelqu'un qui le protège. Dans le cas de Lazare, c'est le seul personnage planétaire qui est parvenu à devenir le seul, à ce point-là, oui, qui est parvenu à devenir l'ami du Nazaréen. Donc, c'est le seul personnage de l'époque, on parle des hommes. Marie-Madeleine, en tant que femme, a fait la même chose, pas au niveau de la descente aux enfers, mais elle est parvenue à être l'amie, sinon l'amante. L'amie. Bon. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tous les humains qui ont rencontré le Nazaréen sont devenus ses disciples ou ses fidèles. Et aucun d'eux n'avait l'énergie nécessaire pour devenir son ami, à part Lazare. Lazare, donc, ce faisceau va se décoller dans quelques années, ce qui fait que nécessairement, il y a présentement d'autres faisceaux. Il y a 12 faisceaux majeurs qui présentement sont en instance d'atterrissage, c'est-à-dire qu'ils côtoient déjà le système neuronique et endocrinien de plusieurs personnes. C'est surtout centré au Québec. Et je suis né au Québec parce que c'est au Québec que les choses vont se passer. Je ne dis pas ça parce que je suis né au Québec, mais je suis né au Québec parce que ça va se passer ici. Alors, il y a donc cela. Il y a des personnes qui se rappellent certaines choses. Moi, je me rappelle de mon contact, c'est-à-dire que je me suis rappelé être de l'esprit, donc d'avoir déjà eu une fusion spiritique. Ça me chatouillait les neurones alors que j'avais peut-être 6-7 ans, 7-8 ans, où déjà j'étais en totale confrontation avec la tradition. Donc, avec, par exemple, je me rappelle, mon premier contact supramental puissant, il s'est fait, je devais avoir 5 ans, j'ai commencé l'école à 5 ans, en première année. Et puis, je me pointe à l'école avec ma mère. Et puis, quand elle a fini par me laisser là, ça a été assez compliqué, eh bien, on s'assoit sur la chaise, et puis là, la maîtresse, pour nous mettre en confiance, elle nous dit tous, eh bien, on va se retourner, se mettre à genoux sur nos chaises, et on va faire une prière au crucifix qui est en arrière. Alors là, moi, je suis resté en avant, hein, ben, je broyais comme un bon, je le demande à livre, je ne veux plus rien savoir de l'école. Alors, ils ont tout fait, et finalement, j'étais le seul qui est autorisé à faire sa prière assez ordinaire, en regardant en avant, alors que je ne priais pas, mais... Déjà là, il y a quelque chose qui faisait en sorte que il y a des mécaniques qui ne pouvaient m'aller. Et probablement pour la simple raison que les gens devaient se retourner puis prier le symbole d'un personnage, on appelle ça le Seigneur, hein, parce qu'il saignait beaucoup quand ils l'ont crucifié. Alors les gens devaient prier le Seigneur. Et moi, inconsciemment à l'époque, je savais que le bonhomme qu'on voulait prier, je l'avais déjà intimement connu. De ce fait, tous les gens qui se retournent, ben, bref, je ne pouvais pas l'expliquer. De toute façon, à l'époque, on ne te laissait pas le temps d'expliquer grand-chose quand tu avais 6 ans. Par la suite, progressivement, l'esprit, comment ça fait pour venir chercher l'humain? Je vais vous expliquer un peu moi ce qui m'est arrivé. Ce qui est très important souvent, ce qui va arriver, c'est que les personnes se disent tout le temps, ah oui, mais c'est parce que lui, c'est Daniel Kem, donc c'est comme ça. Moi, ça ne m'est pas arrivé quand j'étais jeune, donc ce qui fait que si j'aurais voulu créer un parallèle entre ce que je voulais vivre en tant qu'être ou en tant qu'être humain, un parallèle avec ce que les autres ont déjà vécu, mes précurseurs, je n'aurais probablement jamais rien fait. On ne peut pas vivre d'une vie d'emprunt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si, par exemple, quelqu'un aimerait parvenir à faire ce que Jésus a fait, ce que le Nazaréen a fait, alors il se dirait, écoute, il faudrait au moins que je connaisse sa jeunesse pour pouvoir vivre sa jeunesse comme lui a vécu la sienne. Ou encore, je devrais peut-être faire comme lui, maudire les vendeurs dans le temple, je devrais peut-être crier, je devrais finalement me faire crucifier. Ça, c'est une vie d'emprunt. Et c'est ce que j'expliquais à un moment donné, tu me posais une question qui était originale, et moi je te disais que oui, il y a un chemin, celui que j'ai suivi, c'est un chemin qui mène directement au contact supramental. Il y a juste un problème, c'est que ce genre de chemin ne fonctionne qu'une seule fois, et je l'ai utilisé. Il n'y a pas deux fusions pareilles? Non. Le Nazaréen, ce qu'il a fait est absolument impeccable, c'est génial. S'il ne l'aurait pas fait, là, il faudrait que quelqu'un le fasse. Il va gagner le gros lot. Maintenant que c'est fait, ça ne fonctionne plus. Donc, on ne peut pas copier. On peut connaître certaines choses pour comprendre des mécaniques, pour faire des parallèles, par exemple, entre ce que vivait son âme et ce que vit notre âme. Mais on ne peut pas vouloir faire de parallèle avec sa vie. Donc, par exemple, il était pauvre, faut qu'on soit pauvre. Rien à voir. Absolument rien à voir. On regardera, par exemple, François, que j'ai très bien connu aussi. Il appelle Saint François. Bon. Alors, François, c'est la même chose. Il a vécu pauvre uniquement parce qu'il était riche, parce que dans son cheminement, pour se rappeler certaines choses, parce que François, lui, devait travailler pour retrouver le contact. Il avait déjà eu le contact. Parce que François, c'est la réincarnation de Jésus. Mais pas de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la réincarnation d'un être qui a été christifié, donc d'un être qui a de l'esprit. Alors, il y a eu Jésus, qui est un enfant, qui, à un moment donné, a un contact avec un esprit. Ce n'est pas l'esprit de Jésus, mais c'est un esprit qui descend. Il y a le seul corps physique capable de le recevoir sur la planète à l'époque, qui était le corps d'un fils de charpentier qui appartenait à la secte des Nazaréens, une secte qui était d'obédience essénienne. Alors, il y a eu un contact. Pendant plusieurs années, il y a eu des contacts, un marchandage qui s'est fait. Et finalement, on a dit à Jésus, donc à un enfant, « Écoute, si tu acceptes, là, je résume, hein, c'est en araméen, alors évidemment, c'est pas tout à fait comme je vais le dire là, si tu acceptes le contact, non seulement tu bénéficieras de ce contact par l'expérience, tu auras un double éthérique constitué à la fin de cette vie-ci, ce qui fait que tu seras immortel dans ta conscience, c'est que tant que tu n'auras pas la capacité de conscience de rentrer en contact avec ton propre esprit, tu ne vivras pas ce que tous les mortels vont vivre. Pour Jésus, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais rendu à un certain âge, il a fini par accepter l'idée, il était rendu suffisamment mature, il avait connu les écritures bibliques, il avait connu plusieurs choses, et finalement, on l'a amené voir ce que c'était le monde de la mort, ça c'est dans le désert. Alors, il a fait une descente aux enfers à cette époque-là. L'esprit l'a entouré, il a pénétré le ciel, il a vu là où allaient les morts, alors quand il est revenu, eh bien, on lui disait toujours, écoute, si tu acceptes le contrat, tu n'iras pas là. Est-ce qu'il avait le choix de dire non? Ben non, il n'y a pas le choix de dire non, c'est évident, sauf qu'il a choisi de dire oui. Mais il n'y a pas le choix. Mais n'empêche que... Parce que l'intelligence, ça ne négocie pas souvent. Non. Sauf que la négociation de l'intelligence, c'était une préparation de l'ego. Un peu comme quand vous négociez avec vos enfants ou avec quelqu'un pour arriver à quelque chose, mais la négociation, bon... Ça reste une manipulation contrôlée, mais qui est plus supportable par l'ego. C'était plus facile si l'ego embarquait dans le jeu. Exactement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que par la suite, l'ego de Jésus, le Jésus lui-même, a eu ce contact. Il l'a accepté, il l'a supporté, puis il s'est réveillé sur la croix, et c'est là qu'il dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il parle simplement de l'Esprit qui vient de, et comme je le dis souvent, « Christ est son camp, c'est le Christ. » Alors, il est parti. Et quand un Christ s'en va, il Christ son camp. Ça, c'est le cas de le dire, toi. Alors, l'énergie christique s'est résorbée et l'expérience de Jésus est restée sur la croix. Mais l'ego de Jésus, lui, pendant ce temps-là, il n'a pas eu le temps de mémoriser grand-chose, parce que pendant une période, il était totalement absent. C'est pour ça il était totalement absent. C'est pourquoi, souvent, et dans les annales akashiques, donc dans la mémoire que les humains ont de Jésus, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de réactions, qui a un visage relativement inexpressif, avec un regard plus ou moins perdu, pour la simple raison que Jésus-Christ n'a pas d'âme. C'est de l'esprit. Et j'ai déjà expliqué que lorsque les personnes, par exemple, pratiquaient certaines techniques du PMC, ils arrivent à un moment donné où ils peuvent paradisier leurs âmes, c'est-à-dire qu'en voyage astral, l'âme se retrouve dans un endroit du monde astral qui était là à l'époque de la naissance. Et c'est parfait pour l'âme, mais la conscience restant dans le corps physique, l'individu reste là, sauf que si tu lui donnes une claque en plein visage, il ne peut pas réagir. Il ne souffre pas. Tu lui en donnes une deuxième, s'il veut réagir, il devra ramener son âme, et là, il réagira, mais il réagira en âme humaine. Alors qu'on doit, dans les années à venir, développer des êtres humains qui seront capables d'être espritisés, donc d'avoir un contact avec l'esprit, tout en étant anégoïque, c'est-à-dire anamique, pas d'âme, du moins une âme pure, une âme sans égo, pour être capable de ne pas agir comme les êtres humains en fonction des mécaniques traditionnelles, mais d'agir comme un dieu ou une déesse le ferait, c'est-à-dire comme un être en contact avec son esprit le ferait. Mais en étant efficace, en étant capable de survivre. Le Nazaréen, on le traîne, on le flagelle, on lui fait n'importe quoi, il ne peut pas réagir. Si Jésus serait revenu là-dedans, il y en a un paquet qui aurait mangé un paquet de coups de poing. Sauf que Jésus ne pouvait pas être là, et donc on l'amène jusqu'à la croix, et l'esprit s'en balance, l'esprit ne souffre pas. Jésus n'a pas souffert non plus, même lorsqu'il trimballe la croix, c'est les spectateurs qui vont souffrir, pas Jésus, Jésus n'est pas là, et le Nazaréen, l'alliance du Christ et de Jésus ne souffre pas non plus. Maintenant, ce qui arrive simplement, c'est que, par la suite, l'expérience du contact espritique, du contact d'un esprit, va être réincarnationalisée, c'est-à-dire que ça va revenir, on va le réincarner de corps en corps, à l'intérieur, par exemple, de François, alors que François va se ramasser devant le pape, et le pape, qui apparemment est Pierre réincarné, parce que le pape, c'est la réincarnation de Pierre, qui était le plus faible des apôtres du Nazaréen, mais l'un des plus près parce que le Nazaréen voulait que lui supporte par la suite l'illusion de son passage, c'est-à-dire une structure théologique d'adoration avec des lois qui sont essentielles, des lois qui visent ce qui, dans le contact espritique, est le plus important, mais qui en même temps avec une tradition rituelle qui va à l'encontre de toutes ces lois-là. Est-ce que ça ne ferait pas aussi en sorte de le libérer, lui? C'est-à-dire que pendant que tout le monde regarde son image, il fout le camp et il est tranquille. Non, ça libérait Lazare, surtout. Lazare, c'est lui qui a eu la fonction de continuer. Si on prend, par exemple, une église qui dit que les commandements de Dieu, il y en a 10. Bon, tu adoreras un seul Dieu, c'est vrai, premier commandement. Mais on autorise les saints, et plusieurs personnes dans l'église catholique adorent les saints et non pas Dieu. Ou adore la Vierge Marie, ou adore l'enfant Jésus. Donc, on adore d'autres dieux. Tu ne feras pas d'images taillées ou écrites des choses du ciel ou de la terre, alors qu'on a des icônes, des statues. Toute l'Église catholique romaine, dans son rituel, va à l'encontre totale du contact avec l'Esprit. Mais c'est essentiel, pourquoi? Parce que un être humain, un ego, une âme qui veut entrer en contact avec l'Esprit ne peut pas. L'âme, c'est quelque chose qui mémorise de l'énergie de façon à la restituer au corps physique, de génération en génération, jusqu'à temps que le corps soit capable de supporter une conscience instantanée, et non pas une conscience mémorielle. Ça, c'est l'âme. Donc, l'Église faisait en sorte de préserver le maximum d'énergie dans l'âme, en empêchant les individus d'entrer en contact avec l'Esprit Saint à l'époque, qu'on appelait, simplement parce que chaque fois qu'un individu aurait voulu entrer en contact avec l'esprit, il lui faut 100% d'énergie, il en a 10, il va le brûler à vouloir essayer un contact qu'il ne réussira pas, alors il va ramasser pendant les 30, 50 prochaines années encore 10% d'énergie, il va encore le brûler à se réessayer, alors que si on est dans un rituel où tu ne pourras pas, un rituel où tu dois placer dans le monde de la mort ton énergie, où tu dois adorer un dieu grégorien, où tu dois prier, etc., te repentir, te sentir coupable ou ces choses-là, il y a une grande quantité de ton énergie placée dans le ciel, donc dans le monde de la mort, et là, c'est préservé. De réincarnation en réincarnation, à un moment donné, l'être humain va arriver. Il y aura un prémisse de conscience, donc d'un contact avec l'esprit, et là, il pourra recommencer à aller chercher les trésors qu'il aura placés au ciel, qui vont lui permettre de structurer dans la matière un corps physique et un entourage. D'ailleurs, dans les débuts de l'année 91, on parlait de comment matérialiser l'évolution, c'est-à-dire comment faire en sorte que le contact avec l'esprit puisse venir nous sauver, nous aider dans la matière à s'en sortir. Éliminer les maladies, par exemple, éliminer la pauvreté, donner le temps, donner l'argent, c'est-à-dire donner la richesse réelle, pour que l'être humain ne soit plus confronté à prendre toujours son énergie dans le but de gagner son pain, gagner son sel, gagner sa maison, gagner son voyage, se reposer, pour la simple raison qu'encore cela fait partie de l'involution, cela fait partie de la stagnation, de l'illusion de l'évolution. Ça fait partie de l'initiation lunaire, méritoire, souffrante. Ça ne fait pas partie de l'initiation solaire, allégée et plaisante. Alors, pendant des années, Jésus là, va se réincarner à un moment donné dans Richard Cœur de Lion. Il va se réincarner un peu avant dans le roi Arthur. Il se réincarne dans Luther quelque temps, dans Arthur par la suite, et finalement, c'est Luther qui revient reprendre le roi Arthur, donc Arthur redevient un peu débile, mais Jésus décolle de là. Il va venir faire un petit stage à l'intérieur de Krishnamurti, et à un moment donné, il va se réincarner. On parle toujours de l'expérience de Jésus, on ne parle pas du Christ Jésus, de la nuance. Alors, l'expérience mémorielle, Jésus, c'était expérimenté de plusieurs façons. Quelqu'un qui fouille dans le monde de la mort va rencontrer un Jésus, par exemple, qui est homosexuel, déteste les femmes. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer pourquoi il n'y a pas de femmes à travers ses apôtres. Un autre rencontre, un Jésus qui, lui, est totalement drogué. Il y a des cheveux longs, d'ailleurs, on a des images en Égypte du passage de Jésus, où il a les cheveux très longs, une grande barbe. Et on a d'autres images, il a les cheveux coupés courts, pas de barbe. Alors, on pensera qu'il est ceci, qu'il est cela. On a d'autres images où on a un Jésus qui est toujours en train de souffrir, qui aime l'humain, qui est prêt à tout donner pour lui, puis qui va mourir finalement en souffrant, puis en pleurant de joie sous sa souffrance et sous le poids de sa plénitude, en sachant qu'il va aider l'humain. Tout ça, ce sont des mémoires créées par ceux qui ont cru et qui ont pensé à Jésus. Mais ce n'est pas Jésus. Parce que dans les annales akashiques, tu as toute la gamme de produits. Mais tu as ce que Jésus a fait, tu as ce que les gens qui ont connu Jésus ont pensé de lui, tu as ce que les gens qui ont entendu parler de Jésus ont pensé de lui. Tu as tout. Et à travers 2000 ans, tu as quantité de milliards d'humains qui ont pensé à Jésus. Il y en a toute une bourrine. Il y en a là-bas. Ah, puis il y en a un paquet. Bon. Alors, quelques années, bon, il vient un temps où. Moi, j'étais très, très, très jeune. Je me promenais, on revient un peu à la mécanique, même genre de contact actuel. Subitement, je rêve. Et dans mon rêve, un peu avant, j'avais décidé que je mettais Dieu au défi, je voulais lui voir la face. Je ne peux pas croire quelqu'un que je ne vois jamais. Alors, j'avais peut-être 10 ou 11 ans, j'invente une technique de contemplation rapidement, je l'applique, je me couche et je pars, je ne suis pas là, je suis en transe. Mais totalement conscient de tout ce qui se passe autour de moi, et j'attends. Je parle avec une puissance assez phénoménale. Maintenant, je sais que cette parole était déjà un contact avec l'esprit. La capacité d'avoir de l'autorité envers la tradition, le contact se fait aussi comme ça. Donc, les individus, par exemple, qui commencent déjà à refuser certaines traditions, ils ont un contact avec l'esprit. Parce que souvent, les gens pensent que le contact avec l'esprit, c'est toc, toc, toc, allô, c'est moi, je suis machin chouette, et puis je viens te dire maintenant tout ce qu'il faut que tu fasses. Ça ne se fait pas comme c'est ça. C'est pas non plus un refus de la tradition, un refus égoïque, dans le sens... Par la mode, non, ou par snobisme de l'évolution non plus. Non, c'est un refus neuf. Alors, illogique, par illogisme, c'est celui qui le refuse. Oui, c'est un refus neuf. Alors, je mets Dieu au défi. Et puis, partout, on disait qu'on ne devait pas... Il y a une maîtresse qui m'avait dit quelques semaines ou quelques mois avant, qu'on ne doit jamais mettre Dieu au défi. Il y a une personne, un jour, là, nous sort la Bible, elle nous explique, ou pas la Bible, un livre, en tout cas, de religion. Et là, il y a un bonhomme un jour qui avait mis Dieu au défi de se présenter, puis qu'il croyait pas, puis si c'était vrai, mais qu'il fasse un signe. Il était foudroyé par la foudre, raide là. Alors moi, je me suis dit, un Dieu comme ça, moi, franchement, moi, j'aime autant être foudroyé par la foudre, ça vaut pas la peine de rester, tu sais. Ton bon maître qui tue tous les esclaves qui ne sont pas fins, c'est un bon maître tant que tu fais tout ce qu'il veut, mais sans ça, c'est pire que tout ce que tu peux imaginer. Alors moi, je décide que je suis prêt à mourir, je n'ai rien à faire avec une vie assujettie à un Dieu qui te foudroie le moindrement, que tu oses péter de travers. Alors qu'il te donne tous les outils pour que tu le fasses, en te disant, écoute, je te donne un revolver, il peut partir n'importe quand, ce qui fait que tout ce que tu as à faire, c'est que arrange-toi pour que ce soit pointé sur personne quand il va partir, mais conserve-le pointé tout le temps sur les gens tant qu'il part pas. Sinon, tu vas en enfer. Tu sais, c'est ça la religion, c'est ça que les dieux me disaient, et c'est ce que les dieux disent à l'humain. Tu dois faire le bien, achète un ballon à quelqu'un, fais-lui un cadeau, achète ça à ton petit-neveu. Puis à un moment donné, deux jours après, il s'est fait tuer par un char et courait après ton ballon. Tu vois, c'est comme ça. T'aurais dû y penser avant. Écoute, on a un libre arbitre du bien et du mal, puis il fonctionne seulement après. Après, on sait qu'on n'aurait pas dû ou qu'on aurait dû. Avant, on ne sait jamais. Puis je suis puni, en plus. Alors, j'ai 10 ou 11 ans, et puis j'attends, et subitement, j'ai vu Dieu. Alors, il y a une face absolument immense qui devrait couvrir peut-être une partie du Québec. C'est immense, immense, immense. Ça vient de même à côté, là, tu sais, bien comme il faut. Avec une énergie absolument phénoménale. Et là, on ne veut pas me faire peur, on veut que je craigne Dieu. La crainte fait partie des processus de l'évolution restrictifs, qui font en sorte que parce que vous n'êtes plus peureux, on va s'arranger pour que vous respectiez dans la crainte. Par la puissance. L'avantage de craindre, c'est que vous êtes capable d'aimer ce que vous craignez et de le respecter parce que vous le craignez. Tu craindras ton Dieu. Mais est-ce que c'est l'esprit ou c'est simplement le masque de l'esprit? Bon. Alors, je n'ai plus peur, mais je devrais le craindre. C'est un amour qui vient s'accoler à moi, un amour absolument implacable, dans le sens où tu m'as dérangé, mais je t'aime à un point tel qu'on va faire comme si rien ne s'était passé. Puis ça repart. Alors là, je suis relativement chamboulé un peu. Je reviens. Et là, parce que j'ai déjà eu un contact avec l'esprit il y a quelques années, à l'intérieur s'installe une autre preuve du contact avec l'esprit. C'est comme ça que ça se fait. Le doute. Et quand on en est au doute du doute, ça veut dire que je doute de tout, mais je ne renie pas tout, parce que je doute de mon doute. Donc, j'attends. Alors là, je me dis, oui, mais est-ce que c'était Dieu? Est-ce que j'avais l'idée du concept qu'on se fait régulièrement de Dieu, qui est un principe créateur, activateur, et qui n'a pas besoin d'offrande, qui n'a pas besoin de souffrance humaine, n'a pas besoin de rien de ça, mais qui peut-être est à un niveau vibratoire tel que lorsqu'il s'approche de l'humain, il brûle l'humain, alors il est obligé d'attendre que l'humain monte à son niveau pour être capable d'entrer en contact avec lui. Alors je recommence, je me réinstalle quelques journées après m'être mis, puis là je vais le voir encore, mais là pas une fraction de seconde, je ne veux pas avoir eu l'impression de l'avoir vu. J'aimerais qu'il reste là puis qu'on parle. Là, les mécaniques anti-évolutives se mettent en marche. Écoute, Daniel, c'est qui tu penses que t'es pour imposer à Dieu de venir s'écraser en avant toi pour te jaser? Je suis une créature qui veut voir le Créateur. C'est bien simple. T'sais. À 11 ans, là, je répondais assez vite. J'étais flon en masse, de toute façon, ça allait bien. Alors, les mécaniques archangéliques, toute la tradition complète vient pour te planter. Ça, c'est un peu quand tu vois Satan dans le désert. Le Nazaréen l'a vécu à sa façon. Mais là, tu vas être puni, tu vas être détruit. Je m'en fous. Tes parents vont payer le prix. Oh, les salauds. Tu sais, là, c'est plus ça. Là, on y est sur d'autres niveaux. Et tout ce que ça faisait moi, c'est que ça me mettait en colère. C'est une colère mentale, pas une colère astrale. Alors, plus on m'imposait des restrictions, plus je les détestais, plus je détestais Dieu, plus je les haïssais, toute la gang autant qu'ils sont. Alors, à un moment donné, je recommence, j'exige, j'impose, et là, on m'envoie des personnages qui viennent me voir, des guides de lumière, mais c'est phénoménal, l'esthétique, la beauté, la puissance, la majesté de ces personnages. Et je les envoie tous aux toilettes. Je veux pas voir les avocats, je veux pas voir les avocats de Dieu, je veux pas voir les représentants syndicaux, je veux voir le boss. Alors, à un moment donné, ça ne fonctionne plus, je ne vois plus rien. Alors, ça débarque pas mal. Et puis, à un moment donné, ça vient rêver dans ma tête. Et là, je pars en voyage astral conscient, c'est le premier voyage astral conscient que je fais. Et ça m'amène dans un endroit parfait, où il y a une cité majestueuse, immense. Et là, il y a un bonhomme qui vient me voir. Il me dit « Bonjour, Daniel. » Bon, j'ai quitté, toi. Moi, je suis une personne qui peut t'aider. Ah, ben, ça tombe bien, parce que Dieu, lui, veut pas m'aider. Alors, je lui demande « Quel âge as-tu? » Il dit « Ça dépend. » Si dans ta tête, pour être sage et efficace, on doit être vieux, tu me vois vieux. S'il faut être jeune, tu me vois jeune. S'il faut être femme, tu me vois femme. S'il faut être homme, tu me vois homme. Moi, je voyais un vieux bonhomme avec une grande barbe blanche. Tu sais, j'avais étudié l'histoire biblique, quand même. Alors, sa réponse, elle est phénoménalement neuve. Elle n'est pas stéréotypée, elle dépend de mes stéréotypes et non pas d'une tradition. Ça me plaît. Je me dis, au moins, on s'efforce. Alors, il me fait visiter une cité, la cité, avec d'autres personnages. C'est extraordinaire, c'est parfait, c'est le bonheur total là-dedans. Je vois des gens peindre les murs, ils sont heureux. En plus, ils n'ont pas besoin d'escabeaux, ils flottent dans les airs. Puis là, je me dis, pauvres autres, ils flottent dans les airs, là, pourquoi que la peinture n'a pas se passer tout seul? En tout cas, on continue, on visite. Moi, je suis un teflon vito, fait que ça marche, ça fonctionne. Et là, on arrive sur le bord d'un étang. Puis là, il me dit, vois-tu, la sagesse, ça se cultive comme la fleur la plus précieuse. La sagesse, c'est comme un lotus. Le lotus, il pousse dans une mare, dans un étang, mais la majorité des lotus pourrissent et meurent avant, si l'étang est trop haut. Et quelques rares lotus les plus forts vont arriver jusqu'en haut et vont pouvoir s'épanouir à la sagesse du soleil. C'est pourquoi dans notre pays, alors j'ai compris qu'on était au Tibet ou en Orient, dans notre pays, le lotus est le symbole de la sagesse. L'être humain, c'est ce qu'il fait. L'être humain, il est dans la terre, il descend d'une procréation génétique, et il vit à travers une vie traditionnelle où à travers l'eau, il manque de lumière, il manque de contact avec l'esprit, il n'a pas de sagesse, il n'a pas de savoir, et bien souvent, il meurt à un niveau où la majorité des lotus meurt. Le but même de la vie, c'est de mettre toutes nos énergies, non pas avoir une grosse tige, ça flotte dans l'eau, mais d'avoir une tige longue. Et là, à un moment donné, quand le lotus arrive au soleil, il ramasse une énergie qui va maintenant l'épanouir au maximum et qui va maintenant renforcer et épaissir sa tige. Tant haut, il faut que tu ailles ramasser l'énergie, pas dans l'eau. Puis le peu qui filtre, c'est pas suffisant, mais les lotus se contentent toujours de la tradition. Tu arrives à un niveau, c'est pas pire, on reste là puis ça pourrit. Alors, ce que tu dois faire, Daniel, c'est que tu dois faire comme un lotus, monter. Puis là, je me réveille, il me ramène chez moi, je me réveille. Alors, je trouve ça absolument génial. J'avais une petite clique déjà. On était deux, trois personnages avec qui on pouvait parler sans trop se prendre pour des fous. Et puis, je leur parle de ça un peu. Et puis là, ça va. C'est bien. Les explications sont neuves. Pas besoin de lire le Zen ou ces cochons ou ces trucs-là. Ces cochons-là, j'ai un contact direct avec ceux qui parlent à ceux qui écrivent. Merveilleux. J'ai 13 ans, je refais un rêve, et là, ça me dit, tu devras former un groupe qui va porter un nom, qui va être un nom qui sera répété plus tard dans l'avenir, et ce sera un nom qui va être le symbole de la liberté. Et tu devras toujours conserver dans l'idée que le lotus, la sagesse et la vie sont les buts. Alors, je me réveille encore une fois, je rencontre un de mes amis, qui s'appelle Daniel lui aussi, puis là, je lui explique encore mon rêve. Mais le bonhomme, c'est très intéressant, mais moi, c'est pas ça que je veux voir. Mais pour l'instant, c'est pas pire. Alors, on cherche le nom pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à trouver. Et puis finalement, on trouve Envol. Ah, c'est la liberté. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec Envol, et puis on sort École naturelle de vie de l'ordre du lotus. Donc, École naturelle de vie, c'est la vie, de l'ordre, donc, en fonction du lotus, qui est le symbole de la sagesse. C'est parfait. Comme il nous avait dit, c'est génial. Alors, quelques années après, je rappelle le bonhomme, je veux avoir d'autres informations, puis j'ai plus rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, on devrait aller sur une île déserte perdue dans le Pacifique pour fonder une civilisation neuve. Dans une région, en tout cas, je vous passe les détails de la chose, techniquement, c'est impeccable. Alors, et de cette île, à un moment donné, eh bien, quand ce sera le temps, on fera ce qu'il faut, et puis les meilleurs s'en iront ailleurs. Alors, j'ai rendu 14 ans. Alors, j'étale une map monde sur le sol. Puis je dis, si on est en contact avec quelque chose qui a de l'allure, soit des extraterrestres, de l'esprit, Dieu, n'importe quoi, ça a juste à nous guider, hein? Alors, on prend une petite tam-tac, on la lance dans les airs, puis on dit, tombe, où est-ce qu'on doit trouver l'île? Encore là, fallait qu'elle tombe sur la carte, parce qu'on l'a lancé comme ça dans la chambre. Elle est tombée sur la carte. Elle est tombée sur le Montréal, c'est une île. C'est bon, on peut se faire avoir comme il faut. Alors, l'effet d'un trou dans la carte, alors c'était dans le Pacifique en Polynésie. Alors, quelques années par la suite, après plusieurs recherches à Papété, puis au Commonwealth britannique, parce qu'ils ont des îles là-bas, des îles Gilbert, etc., on a découvert que, disons, sur une map monde, au plus précis qu'on peut le faire, dans la région où la Tam-Tak était tombée, les punaises, eh bien, il y avait trois îles qui ont été exploitées, qui ne le sont plus, qui sont connues, qui appartiennent aux îles Gilbert, qui vont devenir indépendantes du Commonwealth britannique dans quelques années. Vu que nous, les citoyens britanniques, on a donc le droit d'y aller, tout est à manchouer. Et les îles sont connues, ils ont été exploitées, ont été abandonnées depuis une cinquantaine d'années, donc l'humain n'ira pas là, il sait ce qu'il y a là, puis il sait qu'il n'y a plus rien à faire là. Trois atolls protégés par des barrières de corail, pas de tempête, absolument rien, c'est impeccable, totalement en dehors des voies maritimes ou aériennes. Alors, par la suite, on a réussi à se procurer des cartes de l'amirauté navale britannique de la région. Et sur les cartes, c'est tempé en gros rouge, inutilisable pour la navigation. Après s'être renseigné, c'est parce qu'ils sont tellement jamais allés là que les cartes ne sont pas précises. Puis les photos satellites, on s'en balance. Ils prennent des photos satellites puis ils font des cartographies des régions intéressantes, mais pas de... C'est parfait. Pourquoi une île? C'est parce que si tu bâtis quelque chose, le gros danger, c'est les touristes puis l'animal humain. Alors, plus t'es loin, mieux c'est. Alors, n'est-ce pas que c'est merveilleux, que c'est génial, que c'est parfait? On va même bâtir un bateau. C'est la presse va couvrir ça, tous les journaux, c'est même à travers le monde, en anglais, en italien, un peu partout, et en français. Et c'est le plus gros navire québécois bâti par des amateurs en bois. Et il va même finalement recevoir une numérotation de navire canadien. Donc, le capitaine, c'est-à-dire moi, est ambassadeur du Canada tant que le navire n'est pas accosté à un port. C'est préférable à cause des pirates dans les régions qu'on va traverser. Tout est parfait. Mais quand on a lancé la punaise, j'ai fouillé après ça, j'ai recherché mon bonhomme. Et il m'a dit, écoute, tu partiras pas. Il faut que tu sois parti avant 81, parce qu'à partir de 81, si tu n'es pas parti, il faudra que tu restes au Québec pour accomplir quelque chose, et après, tu en iras. Mais tu partiras de toute façon pas, parce que celui qui sera le plus près de toi va te trahir, et tout va tomber. Alors moi, je décide, n'est-ce pas, que tout ce qui a été dit n'arrivera pas. Je vais prouver que les prophéties, on peut les démolir. Alors, on fait le bateau, on fait tout, on a un autobus, je vais au Guatemala, j'ai une base là-bas, on nous prête un terrain, on va lui montrer à cultiver. C'est parfait, j'ai un bonhomme qui parle sa langue, alors il va être allé apprendre le polynésien au Costa Rica. Tout est parfait, parfait, parfait, jusqu'à temps qu'il y a eu des mécaniques politiques du gouvernement canadien sur lesquelles je vais passer. En tout cas, les gars, ils ont tous les lèvres gercées là-dedans, c'est facile à reconnaître. Et puis, bref, il y a un bonhomme très noir qui nous disait tout le temps, faut pas faire de publicité, faut pas être connu, faut pas être connu. Pourquoi? Pourquoi? C'est dangereux, c'est dangereux. Bon, en tout cas, bref, on n'est pas parti parce qu'il y a eu une machination qui a fait que. Alors, on est parti en réalité. On a dit à tout le monde qu'on passait par le Saint-Laurent. Nous, on piquait par Sorel. Marine Industrie nous attendait pour arranger le moteur. Et Radio-Canada avait loué un bateau, puis ils nous attendaient sur. Fait que quand on est parti, ils nous ont ramassé, ils nous ont filmé. Fait que là, tout le monde aussi était parti. Alors, le lendemain, on arrive à Sorel. Dans la frontispice du Journal de la Presse, on était en couleur, en première page, en médaillon, tout l'équipage. Il y a un hélicoptère du journal local qui était en tout cas, c'est une vraie farce. Bon. Alors, c'était incognito, quoi, notre départ. Et puis, il y a eu des difficile d'être plus discret. Oui, c'est ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a un bonhomme que j'avais rencontré. Un bonhomme extraordinaire qui, lui, réincarne, en l'occurrence, Michel de Nostradam, mais qui réincarne aussi un prêtre essénien qui a rencontré le Nazaréen, puis qui m'a connu. Il a un karma dur à payer, il est en train de l'éliminer. Et c'est l'un des premiers Européens qui va avoir un contact supramental. Il a déjà son contact supramental de toute façon, sauf qu'il vit une purge. Bon. Alors le bonhomme, je le rencontre, et puis quand il me demande où c'est qu'on va, je lui explique qu'on va sur la carte, on va ici, puis après ça, on s'en va là. Là, je monte nulle part. Ça l'a intrigué. Une autre planète, l'espace, en tout cas, ça l'a intrigué. Mais j'étais jeune, hein, on dit des folies quand on est jeune. Et puis... Ça, dans ton cas, ça se guérit pas avec l'âge. Non, il y a des psychologues qui ont essayé, puis finalement, ils ont fait mon séminaire. Là. Bon. Mais, il me lit les prophéties de Jean 23, et il me dit, l'ultime arche. Puis dans les journaux, tout le monde parlait du bateau comme étant l'arche, la nouvelle arche, etc. L'ultime arche construit dans les nouvelles terres, bon, c'est en Amérique, flottera uniquement sur l'eau douce, là je fais une traduction libre. Sa coque ne touchera jamais l'eau salée parce qu'elle sera arrêtée et plus tard élevée dans les mains de Dieu et portée au ciel. Alors nous, il nous lit ça comme ça. Et je dis, écoute, nous autres, on s'en va sur l'océan Pacifique, fait qu'il y a de l'eau salée là-bas. On est parti. On est arrêté à Sorel. À Sorel, il y a eu une saisie fédérale sur le bateau à cause d'une connerie organisée. On a gagné en cours un an et demi après, mais un an et demi après, imaginez-vous bien qu'on ne peut plus, hein, on est rendu à 81. Et par la suite, si on regarde les cartes, les marées, etc., le lac Saint-Pierre commence après Sorel. Le lac Saint-Pierre est légèrement salé, c'est là que l'eau salée cesse. Et effectivement, notre coque a touché l'eau douce, elle a arrêté à Sorel, puis elle n'a pas pu continuer, elle n'a jamais touché l'eau salée. C'est intéressant, les maudites prophéties m'ont toujours enragé parce que finalement, elles sont dangereuses. J'ai tout fait pour le contredire ce que j'avais su. Est-ce que ton ami te trahit? Ah oui, absolument, mais c'est pas de sa faute, il s'est fait ramasser du coup, c'est un amancheux, mais oui, bon. J'ai fait un autre rêve après. Je suis dans une sphère au fin fond de l'océan. C'est une cité sous l'eau, avec des dômes de verre. Et c'est une immense sphère qui protège tout. C'est impeccable. Les êtres humains là-dedans ont de la conscience. Matériellement, c'est pas technologiquement organisé. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui contrôle par l'énergie vitale, par psycho et télékinésie, les objets, les choses. C'est parfait. Les êtres humains ne s'ennuient pas parce qu'ils ont une raison intelligente d'évoluer, alors que sur la Terre, on a une raison émotive d'évoluer. Le peur, par exemple, de l'enfer, on veut avoir plus de problèmes. Bon. Alors, on est relié là. Et puis là, à un moment donné, je sais qu'on a un tube qui nous relie à travers le continent sur le plateau du Mont-Royal, donc sur la montagne. Et c'est par là que l'élite de la surface, très choisie à travers un cheminement très particulier, peut à un moment donné descendre et nous rejoindre là. Et de là, il se passe des choses que je ne vois pas, mais qui, pour la première fois dans un rêve, ça me dit que c'est correct. Et là, à un moment donné, moi, je suis dans la cité, je décide de remonter en haut pour aller voir où en est la planète. Je remonte, et quand j'arrive en haut, on est dans une petite cabane sur le Mont-Royal, qu'on a achetée, bon, un rêve, c'est un rêve. Ben, à l'époque, des drapeaux n'étaient plus là, remarque, peut-être qu'on aurait pu l'acheter. Et puis, je sors, je regarde par une fenêtre, et je vois un immense cordon de police, je vois l'armée qui est là, Et il y a des millions de personnes qui veulent envahir la cabane. Ça s'est parlé. Puis tout le monde pense que quand on va être là, on va évoluer. C'est à cause que je m'emmerde ici que j'évolue pas. Alors que c'est totalement faux. Quand l'humain y est là, ben toute la merde vient avec. T'sais. L'humain n'évolue pas plus. Puis c'est pas en changeant de contexte, c'est en changeant l'humain. Après, le contexte changera. Alors, je me rends compte que c'est la guerre totale uniquement parce que les individus ont payé. Il y a eu des immenses problèmes sur le plan planétaire. Bon, des guerres, des catastrophes, etc. Et on s'est rendu compte que l'éthéologie et la science ne sont pas ce qui va aider l'humain à s'en sortir. Mais subitement, l'humain traditionnel se dit « c'est là ». Il veut tout venir là. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que s'il y en a un seul d'eux qui vient là, c'est plus là. Ça sera plus là. Alors, je me rends compte que quelque chose, là, on m'explique à quoi servait le projet en vol, à quoi servait tout ce qu'on a fait, à quoi servait, etc. Vous savez, l'esprit, quand on a contact au départ avec l'esprit, c'est chier, c'était carrément chier. À un moment donné, moi, pendant qu'on construisait le bateau, c'était 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, je vois subitement quelqu'un qui, à un moment donné, par exemple, se coupe un bras sur une scie radiale ou encore des accidents de travail. Et la majorité n'était même pas capable de planter un clou droit au départ, alors j'en ai vu, bon, on avait des outils, des machines, c'est une vraie farce. Alors, à un moment donné, je rentre à l'intérieur de moi et je dis, écoute, si quelqu'un doit être blessé à travers toute affaire au complet, je préfère que ce soit moi. Ben, ils m'ont pas manqué. Personne n'a été blessé à part moi. Et là, j'ai appris une chose. Fais plus jamais de pacte comme ça avec Dieu ou avec le monde de la mort, parce qu'ils vont te charrier. J'ai payé un prix que je n'avais pas à payer. Puis ils m'ont eu comme il faut, royalement. C'est ce qu'on appelle mettre Dieu au défi, ouais. Ou l'astral. Non, parce que là, c'est pas au défi, c'est simplement, écoute... Mais la résultante... Non, je me suis fait ramasser par l'idée qu'on avait de ce que j'étais dans le passé. Celui qui porte le plus problème des autres. Alors que probablement que si j'aurais simplement dit, écoute, il n'y a pas un qui va se blesser dans la cabane. C'est simple. Mais s'il y en a un qui doit se blesser, je préfère que ce soit moi. Alors, ça y est. C'est correct. J'ai appris. C'est un contact avec l'esprit, mais à travers Dieu. Et c'est un maudit problème. Je parle du Dieu créé par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Je ne parle pas de ce qui... de l'esprit. Alors, ce qui arrive, c'est que par la suite, donc, je comprends à quoi servait tout le phénomène, la phénoménologie du projet en vol et ces choses-là. J'ai compris qu'on ne doit pas vivre en communauté. Parce qu'en communauté, l'humain part avec des belles idées, puis c'est pas longtemps que quelqu'un, par la suite, la chicane pogne parce que qui doit laver les toilettes communes? Qui? Les communes se dissolvent toutes. Si on regarde la cité écologique du Verseau, ça tombe. Si on regarde Phenom, ça tombe. Si on regarde tous ceux qui sont essayés. À un point tel que ça va faire dire à la majorité des personnes, soit ceux qui vivent en commune, là, ils ne réussissent pas. Ceux qui vivent en société ne réussissent pas non plus. Alors par la suite, j'ai pensé que c'est une société communautaire qu'il faudrait qu'on établisse. Ce qui est vital et essentiel appartient à la communauté, puis ce qui est pour le reste appartient à l'humain. Alors, t'as ta sécheuse, ton tournevis, etc. Mais ce serait logique que personne n'ait de souffleuse, qu'on ait une souffleuse collective, puis qu'on fasse toute la neige, tu sais, quand il neige. Bon, tu peux avoir ta laveuse à linge, mais on peut aussi s'organiser simplement pour avoir un service qui va faire qu'une machine plus grosse va laver le linge. T'élimines du travail chez les individus, mais c'est ton linge. Tu sais, je rentre, je prends les culottes qui sont là, qui s'appartient, c'est pas grave, je prends les outils qui s'appartient, c'est pas grave, comme les communes, non. Mais en société, plus rien appartient à l'ensemble. Ce qui fait que tu as des pauvres, tu as des... En tout cas, on connaît l'idée. Mais là, j'apprends, puis à un moment donné, subitement, je décide de travailler, de vérifier comment vit l'humain. Alors, je me dis, au-delà de toutes les traditions, la meilleure chose, c'est de rentrer dans toutes les maisons. Alors, il faut que je fasse des voyages astro, par exemple, que je rentre dans un camp nudiste, que je rentre chez les Mormons, que je rentre chez Témoins de Jéhovah, que je rentre partout au complet, pour aller voir comment les idoles, comment le monde vivent. Ceux qui sont heureux, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que quand ils se couchent le soir ou sur leur lit de mort, ils peuvent se dire « Ma vie, elle a été agréable, utile et essentielle. » Ou simplement « Ma vie, pourquoi j'ai vécu? » Mais en voyage astral, ça ne fonctionne pas parce qu'on va visiter ce que les individus pensent de leur vie. On est coloré. Et je n'ai pas la puissance à l'époque. Alors, je décide de devenir ambulancier. Je me suis dit, quand l'humain avait des problèmes, l'humain est tenu. L'humain est comme il est. Parfait. Et là, quelle que soit la religion, ils ont besoin de toi. J'ai toujours été axé à aider l'humain à travailler en solitaire, à travailler libre, à travailler dehors, à être dans l'action. Alors, je deviens technicien médical d'urgence. Il faut suivre des cours. Alors, je suggère à l'école, écoutez, ils m'ont passé des examens tout de suite, puis si je les réussis, je pourrais aller me diplômer, je ne ferai pas les cours, c'est correct. Puis si je les coule, vos examens m'ont fait des cours. Ils n'ont pas voulu. Alors, j'étais obligé de faire des cours. Alors, j'ai suivi le cours. Et puis, finalement, je suis devenu technicien. Je suis rentré dans plein de maisons, j'ai appris énormément, j'ai vu du monde mourir à Noël, j'ai vu du monde mourir à l'église, j'ai vu du monde mourir dans des bars, j'en ai vu de toutes les sortes, j'ai vu des artistes que vous avez connus, des hommes politiques, et tout ce que vous voudrez. Mais l'humain, quand je dis nu, c'est que souvent, quand un ministre, par exemple, se casse une jambe en glissant dans son bain, quand on arrive, il n'a pas mis sa robe de chambre. Mais là, on voit l'humain tel qu'il est. Il y a des personnes qu'on déteste qui sont géniales, des personnes qu'on adore, mais si vous saviez. Alors, à un moment donné, je suis dans mon ambulance, je sors un livre de Chidu Krishnamurti, celui qui est dévoué à Krishna. C'est ce que veut dire son nom. Alors qu'il n'a jamais été dévoué à Krishna. Et je lis un petit passage d'un livre. Et subitement, je reconnais tout. Je connais tout le livre, je ris comme un fou, ou comme un contacté. Mon partenaire ne comprend rien. Je lui dis, je lis un livre de farce. Il veut l'avoir. Alors, je suis obligé de lui prêter. Il ne comprend pas les farces. Il ne comprend pas les farces. Là, je viens de confirmer, de concrétiser, c'est-à-dire que c'est comme si le livre de Krishnamurti venait de remplacer Jean le Baptiste pour le Nazaréen. Mais le contact avec l'esprit s'est fait tout au long de la jeunesse. La majorité ici, vous avez déjà un contact, mais vous recherchez quoi? Moi, je ne recherchais rien. C'est ça qui était mon avantage, ce qui m'a sauvé, si on peut dire, ce qui m'a allégé. Ben, pour quelqu'un qui recherchait rien, pas de forme. Cherchait à parler à Dieu directement ou... Oui, mais je ne recherchais pas une forme. Je ne m'étais pas dit, par exemple, si je vois sa face, j'aurai la confirmation que... Tu sais, je veux te voir. Te voir quoi? Je ne sais pas. Juste bon. Alors, je prends un de ses livres, puis tout ce que je vois dedans à un moment donné, c'était que... un coucher de soleil, c'est avec un coucher de soleil. C'est parce qu'il y a une coloration entre l'observateur et la chose observée que tout est changé. Dans la réalité de l'absolu, c'est ni beau, c'est ni laid. C'est un coucher de soleil. Puis là, ben, je me dis, c'est vrai. Là, je continue à lire. Ça, je le sais. Je tourne, je le sais. Il est bien plate, ce livre-là. Mais il est génial, mais il est plate. Il était pas... C'est un petit livre, hein. C'est réellement plate. Tu sais, c'est vraiment pas gros. Là, j'ai quoi? Une personne dirait, « OK, il faut lire Krishnamurti. » Trop tard. T'aurais pas pu en lire un plus gros, j'aurais pu lire le plus mince. C'est ça, oui. Non. Il faut être ambulancier. Trop tard. Ça veut pas dire quelqu'un qui l'est ne fera pas. Il vivra pas la même vie que moi, donc il peut le faire. Mais l'idée, ce n'est pas... On peut pas prendre un archétype, un stéréotype, et y aller. Alors maintenant, c'est réglé à un point tel que je ne peux plus être ce que j'étais. J'ai toujours été différent. Je sais plein de choses qui ne sont même pas disables. À travers tout ce que j'ai dit en plusieurs années, je n'ai à peu près rien dit de ce que, à un moment donné, on va parler. Il faut que les ans se réchauffent. Mais, à un moment donné, je rentre dans une maison. Je rentre avec mon partenaire. Et à travers les murs, je vois immédiatement où est la personne qui a un problème. On traverse la maison, mais la personne n'a pas le temps de nous suivre. On rentre dans la pièce, la personne est en arrêt cardio-respiratoire. Donc, on lève le lit, on chambre dans tout, bon, puis on travaille, puis finalement, le médecin et l'autre technicien arrivent, puis on ranime l'individu. Et puis, progressivement, comme ça, tu découvres des choses. Je conduis mon véhicule ambulancier, et puis je traverse le pont Jean-Cartier en diligence. On va à l'hôpital Notre-Dame brûle, alors on descend à Charlemagne porter quelques patients. Je roule dans la voie du centre, parce que les deux voies sont ouvertes, celle du centre est fermée au trafic. Puis à travers le bitume, à travers une des montagnes du pont Jean-Cartier, je vois une automobile qui monte à toute vitesse dans ma direction. Alors, je signale, je me range, puis là, quand j'arrive en haut, il y a un taxi qui dépassait. À un autre moment donné, je roule avec une... J'avais une immense ambulance, un 6-roues, l'une des premières ambulances lourdes que la ville a eues. Et puis, on va pour un appel urgent, difficulté respiratoire, et puis c'était à la ville de Verdun. Alors, on prend l'autoroute Bonaventure. Pour sortir à Verdun, la voie d'accès à la sortie est fermée. Donc, on doit passer par Dorval, faire un paquet de schnick-flock. Je m'en viens, je vois à un moment donné sur l'autoroute qu'il y a l'entrée pour l'autoroute. Elle vient de la rue d'Ougenay. Alors, on décide de virer l'ambulance de bord, fait qu'on arrête la circulation, elle est trop grosse, on l'appelait la Bertha. Et je descends, à l'inverse de la circulation du trafic. Il y avait neigé un petit peu, c'était mouillé. Puis on descend, on a deux gros cornets là-dessus, ça gueule en masse. Puis subitement, ben immédiatement, dans ma tête, ça vient, ça me dit, écoute Daniel, c'est fermé pour entrer, peut-être qu'ils construisent juste là en bas, c'est fermé pour sortir. Puis là, comme ça, à un moment donné, bien, ça, mon ego veut continuer à y aller, c'est un appel d'urgence. Puis en même temps, ça dit, il te reste 5 secondes, il te reste 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0, j'applique les freins, on glisse. On a arrêté sur le bord d'un trou très, très creux avec un paquet d'Italiens avec le pelle en bas. Puis eux devaient voir le dessous de l'ambulance parce qu'on était à côté. Mon ami, dans mon énergie, c'était parfait, il avait deux pieds en avant. Puis il me dit, ils vont avoir de quoi compter à soir au souper. Pas de pas, pas rien, c'est parfait. Mets ça sur le reculon, on recule, on revient, puis on arrive à temps. Bon. Tu as, à un moment donné, des petites choses comme ça, où il y a des patients, ça c'est le problème. Il fallait dire à nos patients, à un moment donné, écoutez, quand vous allez arriver à l'hôpital, le médecin va vous demander comment ça va. Dites-leur pas comment vous vous sentez là. Dites-leur comment vous vous sentez à la maison. Vous aviez mal au foie, vous aviez une transpiration, vous aviez le goût de vomir, vous aviez ceci, vous aviez cela. Ouais, mais là, je me sens bien. Oui, je le sais. Et si on vous amène à l'hôpital et vous dites au médecin que ben là, j'ai mal nulle part, là, ça va bien, mais tout à l'heure j'avais, ils vont penser que c'est une peur, c'est un stress, puis que vous voulez simplement être bon. La personne a dit oui, mais là, je me sens bien. Oui, je comprends, mais c'est passager, tu sais, vous allez. C'est vrai que c'est passager. C'est que parce que tu es près d'eux. C'était un passager, est-ce que? C'est ça, ouais, ben c'est ça. C'est un passager, effectivement. À un moment donné, tu finis par te dire, il y a une personne, un de mes amis ambulanciers qui me pose la question, elle dit, écoute Daniel, vas-tu passer toute ta vie être ambulancier? J'adore la profession, c'est parfait. Mais là, il vient de me piquer les raides. Non, c'est évident. Une personne qui a un contact supramental, une personne qui est centrée dans son esprit, il ne reste pas ambulancier toute sa vie. C'est pas ça qui est ma fonction. C'est pas débilitant d'être ambulancier, c'est que Daniel Kem n'a pas à être ambulancier toute sa vie. Il y a un bonhomme, à un moment donné, pour qui je travaillais, qui m'a dit, « Sais-tu, toi, là, il faudrait qu'on t'achète une ambulance, pour la mettre au pied du bureau, tu sais, puis quand ça te pogne, là, tu vas faire un tour, puis tu reviendras après, puis ça te soulagerait. » Le contact avec l'esprit fait qu'à un moment donné, tu as une vision directe avec la réalité. Tu as connu ça, à un moment donné, toi. Tu étais chez McDonald's, enfin, disons. Et subitement, la conscientisation du contact avec l'esprit, mais vous avez souvent, si vous fouillez dans votre vie, vous allez découvrir un paquet de symptômes. Je vous compte les miens pour qu'on ait une idée. Hein? Vous allez découvrir des symptômes du contact. La conscientisation, c'est lorsque l'on découvre que ce que l'on sait est vrai. Et c'est très banal à dire. Quand ça vous arrive, vous n'avez plus le goût de vivre. Parce que là, vous vous dites, de toute façon, tout ce que je fais est une farce. Je travaillais, par exemple, pour donner un avenir à mes enfants. À l'adolescence, ils peuvent se faire ramasser par des mémoires réincarnationnelles d'adultes qui vont les amener à se droguer, à se suicider, à tout lâcher, à être dépensier. Ils peuvent réussir puis foncer dans la vie. Puis ils auront peut-être un fils ou une fille qui va les assassiner ou qui va leur donner des misères. Ou simplement, à 25 ans, un char va en tuer un. Chose qui est certaine, c'est que même si j'ai réussi pour eux, je vais mourir et m'en aller. Eux vont mourir et s'en aller. Puis c'est ça. Je connaîtrai jamais tout ce que je vais laisser. T'sais, je suis dans un vrai. Je le sais. Je le sais. Tu sais que tu es manipulé, puis subitement, tu sais que tu n'as pas le choix. Tu es vraiment fait à l'os. Pire pire que juste de l'apprendre. Subitement, tu viens pour bouger la jambe, puis tu sais clairement, si je la bouge pas, je suis manipulé. Si je la bouge, je suis manipulé. C'est évident. Et là, tu conscientises que toi, l'esprit, dans un véhicule qui est totalement sur le joug, il y a d'autres choses, de l'ego, qui lui est l'esclave des dieux, du collectivisme, de la mémoire planétaire, de l'astral, bref, des forces d'évolution collective que j'appelle archangélique. Moi, je l'ai su en riant dans un véhicule ambulancier. Moi, quand j'ai tout vu ça au complet, ça m'a fait rire, j'ai toujours aimé m'amuser. Et chaque fois que je découvrais que je m'étais fait avoir, je trouvais ça comique. Alors que d'autres vont se suicider. Enfin, bref, se sont suicidés. Dans l'avenir, la majorité ne le feront plus. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a suffisamment de trames dans le monde de la mort, dans l'astral, là où les âmes vont prendre leur information. Il y a suffisamment de trames maintenant qui disent, qui informent l'ego que c'est plus nécessaire de souffrir, c'est plus nécessaire d'être martyr. Puis que de l'autre côté de la désintoxication astrale, il y a quelque chose qu'on ne peut pas t'expliquer parce que l'âme ne peut pas le comprendre. Parce que la nuance entre être contacté puis ne pas l'être, c'est réellement, en même temps que c'est très gros, c'est aussi très mince. Parce que, comme dans ton exemple tantôt que tu disais avec l'ambulance, quand tu arrives, bon, tu sais, il faut que tu freines. Fait que ça, on l'entend, mais comme ça crie pas fort, ben... Exact. Et là, moi, ça devient... C'est ça. La nuance, c'est que souvent, on a une petite voix qui est excitée, c'est ça. T'as un contact conscient, si ta vie est en danger, tu deviens maintenant important, c'est-à-dire utile du point de vue de l'évolution, ce qui fait qu'on n'est plus comme l'humain va l'être normalement. Les humains meurent par accident ou etc. Et la majorité, c'est des bonnes personnes. Pourquoi elles meurent? Pourquoi? Pour simplement qu'elles n'ont pas de contact conscient. Donc, elles ne sont pas protégées en tant qu'individus. C'est-à-dire que leur esprit, eux-mêmes, n'ont pas la capacité de bouger l'événementiel autour d'eux pour faire que ces personnes ne soient pas assujetties aux souffrances conventionnelles. Ou est-ce que si l'ego est trop puissant, il empêche d'entendre, de comprendre? Si l'ego est trop puissant, tu n'as pas de contact conscient. Donc, c'est ça, ça arrive au même. Le contact est là, mais il n'est pas conscient. Oui. À un moment donné, on rentre, on a un appel, et puis on arrive sur les lieux, et puis on se fait dire de canceller l'appel. Ils ont rappelé pour dire qu'il avait amené la personne à l'hôpital. On approche, on éteint les gyrophares, on stationne quand même. C'est le soir, on était la fin de semaine. Fait qu'on avertit le répartiteur. Écoute, on est rendu au moins qu'elle ait jeté un œil. Il dit OK. Alors, on arrive, et puis les portes sont débarrées dans la maison, tout est noir. Alors, on entre en faisant extrêmement attention. On voit une femme qui est sans connaissance dans le salon. On la laisse là. Et puis, on fait tout autour de la maison complet. Puis, rendu en arrière, on voit une personne qui embarque dans l'automobile, puis qui se pousse. On refait la maison au complet, les garde-robes, les tout, tout au complet pour pas se faire ramasser à un moment donné. Et après, on va voir la personne. C'est évident et immédiatement là qu'elle est en surdose de drogue. C'est plein là-dedans. À un autre moment donné, c'est un appel bien banal. Tu viens pour sonner, tu sonnes pas. Tous les deux, on se tâche chacun de notre côté. Pourquoi lui le fait? Parce que je suis là. Parce que j'en connais qui ont travaillé avec moi, puis qui sont plus ce qu'ils étaient, ils sont descendus. On se tâche chacun de notre côté, on sonne. Puis là, il y a un coup de douce qui vient de faire la vitre au complet. Le bonhomme est dans sa chaise berçante, puis il attend. Sa femme, son fils, quelqu'un était transporté en ambulance, il est mort en attendant. Le bonhomme a décidé qu'il n'allait pas se venger. C'est facile. Tu arrives dans un centre sportif et puis il y a 150 portes, tu sais, parce que souvent ils disent pas où, hein. C'est au centre Claude Robillard, sur la glace. C'est intéressant, t'as jamais été là, toi, là. Tu rentres par où? Mais là, subitement, c'est une vie qui est en danger, tu sais où stationner, tu sais quoi sortir, tu sais où... Tu sais rien. Je dis souvent à ceux qui travaillent avec moi que moi j'ai un défaut, c'est que je me perds souvent, mais j'ai une qualité, je me perds toujours là où je vais. Alors, je ne sais pas où je vais, mais quand j'arrive, c'est là. Ça, c'est le contact avec l'esprit fait en sorte qu'à un moment donné, il faut que tu te fies à autre chose qu'à toi, mais à toi en tant qu'ego, et là, ça se développe. Sinon, tu n'arrives nulle part, nulle part, nulle part. Alors, à un moment donné, je fais des conférences. Je commence. 84. Il y a une personne qui me pose, « Monsieur Ken, qui êtes-vous? » Ah, je réponds, j'étais un bon gars. T'es, qui je suis, franchement, qui je suis? Ils veulent avoir un nom ou un diplôme, je sais pas, moi, c'est bon. C'est pas ça qui est important. À un moment donné, on me dit, oui, mais si on ne sait pas qui vous êtes, comment on peut vous écouter? Et je réponds, écoutez, Savez-vous qui vous êtes? C'est vous qui devez savoir qui vous êtes pour savoir si vous êtes à la hauteur de m'écouter. C'est simple. Êtes-vous capable? Si ça n'a pas d'allure, vous devez vous-même le savoir. Si je vous dis que ça a de l'allure, vous me croyez, c'est ridicule. Alors c'est l'auditeur qui doit diplômer, pas l'orateur. Et c'est important. Les meilleurs médecins viennent entendre parler un charlatan. Charlatan, pas de diplôme, c'est pas grave. Que les médecins sachent ce qu'ils entendent. Si l'autre a raison, ils vont le savoir. S'il a tort, ils vont le savoir. L'auditoire de diplômé, pas l'orateur. Et à un moment donné, on me pose une question. Oui, mais qui vous dit que ce que vous dites est vrai? J'en ai aucune idée. Vous devriez faire comme moi. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on amène du neuf, on amène de l'énergie, puis on avance. Oui, mais où ça nous mène? Nulle part. Et le nulle part, c'est le plus fondamental des objectifs. Comme je le dis souvent et je l'avais dit à cette époque-là, écoutez, vous voulez savoir où ça vous mène? Vous ne savez pas c'est quoi le bonheur? Vous allez suivre des gens qui vous amènent au bonheur, franchement. Vous ne savez pas c'est quoi le ciel? Vous allez faire confiance à des gens qui disent vous amener au ciel, franchement. Alors, demandez-moi pas où je vous mène. Allez-vous-en où vous voulez. Je vais aller où je peux aller. Chose qui est évidente, c'est que si je ne sais pas où je vais, je sais où je ne veux plus aller. Progressivement, ben, tu finis par avoir un contact qui est une heure par semaine, deux heures, cinq heures. J'ai fait des conférences spéciales réservées aux séminaristes où, à un moment donné, je montais à un point tel que je partais à rire. J'en avais pour un mois d'énergie. Alors, la seule idée que j'avais après une demi-heure de conférence qui dure trois heures, c'était que là, les gens en ont assez. Ceux qui n'ont rien vu, là, c'est pas grave. T'sais, moi, je ne peux plus en donner. Si je continue, c'est dangereux pour ma santé. Je m'écoutais. Alors là, j'allais voir quelqu'un qui... je lui disais, écoute, tu m'interviews pour le reste de la conférence. Ah oui, pourquoi? Parce que tu es un bon intervieweur. C'est pas vrai, c'est parce que lui, il me baisse. Il vient d'asseoir. Puis là, ben là, le reste du temps, on y allait mollo. À un moment donné, trois heures de contact supramental puissant, donc avec l'esprit, le corps peut le supporter. Soyez patient. Après ça, 7 heures, 8 heures, une journée. Présentement, c'est 24 heures sur 24. C'est faux. Présentement, oui. Mais il n'y a pas tellement longtemps, on était à 23 heures. Et à un moment donné, tu en arrives où là, tu as une plénitude de contact. Tu deviens plus drastique, tu deviens plus... tu ne peux plus faire de demi-mesure entre ce qui est et tout le reste. Tu es capable de t'ajuster aux individus, mais quand dans ta vie, ça ne fonctionne plus, et ceux qui t'entourent de près devront changer comme toi. Et ceux qui t'entourent de plus près aussi. Pas que tu les manipules. C'est comme je deviens le meilleur des chirurgiens, puis je travaille encore avec des personnes qui font de la boucherie. À un moment donné, je ne peux plus. Écoute, on fait une équipe, je vais choisir, ou encore deviens un chirurgien qui a de l'allure, puis un boucher. Progressivement, l'être humain a donc un contact. Le contact se fait d'une façon qui n'est pas attendue. Et ce qui est très important de comprendre, Nazaré a dit à un moment donné que lui allait revenir. On parle d'une énergie christique, donc d'intelligence supramentale, donc de l'esprit. Pas de lui en tant que personnalité. Mais ça sera comme les personnes ne s'y en attendent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'historique de l'âme, dans la mémoire, vous ne l'avez pas connu le contact, donc vous ne pouvez pas savoir comment ça va être. Et ça veut dire que si vous vous fiez à ceux qui ont eu un contact pour avoir une idée de comment ça va vous arriver, ça marche une fois et une fois seulement. Donc, encore une fois, vous ne l'avez pas. Ce que l'être humain doit faire pour avoir le contact, pour le découvrir chez lui, c'est pas important de le découvrir, c'est important de le reconnaître. C'est une nuance. On ne fait pas une introspection pour savoir si on en a eu un. Mais observez vos vies. Ce qui est important simplement, c'est que vous devez absolument vous démarquer. Qu'est-ce que ça veut dire être démarqué? Ça veut dire que le contact avec l'esprit se fait dans l'individualité. L'homme doit être son seul maître. Et ça veut aussi dire nécessairement que vous devez être fils et fille unique de l'énergie. Avec un historique et une génétique ascensionnelle unique. L'humain doit observer ce qu'il est, lui, pas au niveau de la résultante. J'ai été pauvre, j'ai mis des manteaux d'hiver de d'autres, j'ai marché dans des souliers fendus et troués. J'étais sûr que j'étais un fils unique. Oh, mais d'abord, comment ça fait que tu ne viens pas t'aider? Si j'étais un fils unique, j'aimerais donc me débarrasser tout seul. Si je ne suis pas capable, c'est parce qu'il manque des morceaux. J'ai eu perdu de l'argent, je me suis ramassé suffisamment. J'étais ambulancier au salaire minimum, j'étais ambulancier à 14 $ de l'heure. Puis on avance. Et là, on va dire, oui, mais Daniel Kemp, lui, on regarde, il se promène avec ceci, et cela, et cela, et cela. Les gens n'ont plus l'idée de la richesse. Mais ce n'est pas ça qui fait que je suis ce que je suis.